Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ensemble à étudier notre épître aux Philippiens. Et on va commencer par la prière pour que Dieu nous dirige par son esprit. Notre bon Père du ciel, en courbant nos têtes, nous disons, nous démontrons que nous dépendons de toi. Nous avons besoin de toi pour que tu nous conduises, pour que tu nous diriges, pour que tu nous montres ce que tu veux nous enseigner par ton serviteur Paul. Conduis-nous afin qu'on puisse te glorifier comme il se doit. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu dans le chapitre 1, l'apôtre Paul nous décrit un peu son état d'âme pendant qu'il est en prison. Il le décrit afin que les Philippiens sachent comment lui analyse, si je peux dire, ou comment lui perçoit, comment lui vit son temps en prison. Il nous a presque dit rien en ce qui concerne les habitudes de la prison, alimentaires ou vestimentaires ou quoi que ce soit d'autre. Mais on a un aperçu de son état d'âme. Dans le chapitre 1, on a vu que Paul passait du temps dans la louange, dans l'adoration et dans les actions de grâce. On a vu qu'il remerciait Dieu pendant qu'il était dans la prison. Une autre chose qu'on a vu, c'est qu'il passait du temps dans la prière. Et chaque fois que je pense à vous dans mes prières, et même il nous dit, je prie pour vous, puis il nous décrit le contenu de sa prière pour les Philippiens. Ensuite, il nous parle qu'il y a une possibilité de mort devant lui, mais il dit, je sais que je n'aurai honte de rien, soit par ma vie, soit par ma mort, parce que je vais continuer à glorifier Dieu, peu importe ce qui arrive. Il nous parle de son désir de partir, mais son désir aussi de rester pour aider les Philippiens à croître dans la connaissance de Dieu. Et ce matin, nous continuons, nous sommes rendus au chapitre 1, verset 27, quand nous allons prendre le temps de lire ensemble, si vous voulez bien maintenant. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela vient de Dieu. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Donc l'apôtre Paul commence en disant, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. C'est pour ça que j'ai intitulé ce petit vidéo « Une conduite évangélique ». Quand vous pensez à un bon chrétien, qu'à une bonne conduite chrétienne, à quoi vous pensez? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Ben, je vous dis, ben honnêtement, que La conduite dont Paul décrit ici, ce n'est pas ce que je pensais quand, à l'instant où j'ai lu, où ce que Paul dit, il y a une conduite digne de l'Évangile. Moi, je pense plus religieux, comportement, habillement, les places que je fréquente, les gens que je fréquente, la façon que je parle, la façon que je dépense mon argent, que j'utilise mon argent. C'est plutôt ça que je pensais. Mais l'apôtre Paul, c'est pas de ça que lui va parler. Nous allons voir ça ensemble. Mais pour avoir une conduite digne de l'Évangile, ça présuppose que j'ai une connaissance adéquate, exacte, de l'Évangile elle-même. Je dois comprendre ce qu'est l'Évangile. L'Évangile de Dieu. Des fois, c'est appelé l'Évangile de Christ. Des fois, c'est appelé la bonne nouvelle. Des fois, c'est appelé le royaume de Dieu. Ou l'arrivée du royaume de Dieu. On pourrait dire marcher comme des enfants de Dieu, comme des gens qui reflètent, qui font partie du peuple de Dieu. On peut avoir une conduite qui est adéquate. Si je pense que l'Évangile, c'est une autre forme de religion, mais là, je me trompe. Je vais avoir une conduite religieuse. Donc, de quoi parle-t-il? On va voir trois choses ensemble dont il parle. Premièrement, au verset 27, il dit « Demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. » Donc, une bonne conduite évangélique, c'est de rester ferme, attaché à l'Évangile proclamé par le Seigneur Jésus-Christ, premièrement, et ensuite par les apôtres. Et ensuite par les Écritures, laissées par les apôtres. Donc, une bonne conduite, c'est quelqu'un qui reste ferme, attaché à l'Évangile proclamé par le Seigneur Jésus-Christ. Une bonne conduite, c'est quelqu'un qui combat. Il dit bien, combattant d'une même âme pour la foi. Donc, vous combattez non pas les infidèles, comme certains mouvements religieux disent, mais nous combattons pour garder la foi telle que reçue une fois pour toutes. Mon combat n'est pas, dans notre texte ici, contre les gens qui sont anti-Jésus, anti-chrétiens. Ce n'est pas un combat contre le péché moral dans ma vie, mais c'est un combat pour la foi de l'Évangile. Parce que toute religion est futile si elle ne proclame plus l'Évangile amené par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, une bonne conduite, premièrement, c'est de rester ferme, ensemble, les croyants, attachés d'une même âme, d'un même esprit, attachés ensemble à la foi transmise par Jésus-Christ. Le deuxième point, au verset 28, il dit « Ne vous laissez pas effrayer par les adversaires. » Les adversaires ici, c'est les gens qui sont contre l'Évangile, sont contre Christ, sont contre Dieu. Ne vous laissez pas effrayer. Et cette peur, où quand on est effrayé, on va avoir tendance à changer l'Évangile afin d'être accepté par les adversaires. Il dit, n'ayez pas peur de vos adversaires et ne vous laissez pas effrayer au point que vous allez changer l'Évangile afin d'éliminer les attaques ou les menaces ou les châtiments ou les jugements de vos adversaires. Eux autres vu qu'ils prennent position contre vous, qui sont vos adversaires, ils sont les adversaires de Jésus-Christ, ils sont les adversaires de Dieu, c'est pour eux un signe de perdition. Mais vous, qui vous ne laissez pas effrayer, et que vous gardez l'évangile reçu du Seigneur Jésus-Christ, c'est pour vous un signe de salut. Parce que l'évangile est pour vous plus importante que votre propre vie, que leurs menaces, ou que les souffrances qui peuvent vous impliquer. Un peu à l'exemple de Paul, qui nous a donné dans le chapitre 1. Il dit, moi j'ai accepté la prison, j'accepte même la mort s'il le faut. L'évangile est plus important que moi. Transmettre l'évangile tel que reçu à la génération qui va me suivre est plus importante que ma propre sécurité. Donc, une bonne conduite, c'est de garder fermement l'évangile reçu. Et deuxièmement, c'est de ne pas se laisser effrayer par nos adversaires qui veulent nous faire changer l'évangile. Paul n'est pas en train de dire aux chrétiens, si vous vous ramassez dans les arènes avec les lions, n'ayez pas peur des lions. C'est pas ça dont il parle ici. Il ne dit pas de ne pas avoir peur des flèches, des lances, des fusils ou n'importe quoi d'autre. Il ne parle pas de ça. La peur est un sentiment légitime, valable, devant la souffrance, devant la haine, mais pas. Mais il dit, ne vous laissez pas aller au point où vous allez changer l'évangile. Si vous pouvez éviter les menaces, les châtiments, les jugements, faites-le. Paul en a appelé au fait qu'il est un Romain pour éviter les châtiments. Paul a fui à différents moments donnés dans sa vie pour éviter les lapidations ou quoi que ce soit d'autre. Mais jamais au détriment de changer l'évangile. Donc, troisièmement maintenant, au verset 29, il dit, une bonne conduite, en plus de rester fermement attaché à l'évangile, en plus de ne pas se laisser effrayer par nos adversaires, il dit, c'est d'accepter la souffrance. Il dit au verset 29, « Il vous a été fait la grâce par rapport à Jésus-Christ, non seulement de croire en lui, mais de souffrir pour lui. » Ça, il dit, c'est la bonne conduite du chrétien. Il accepte de souffrir, si tel est le plan de Dieu pour sa vie personnelle. Il ne veut pas agir, il ne veut pas parler, il ne veut pas faire toutes choses pour éviter la souffrance, il ne veut pas changer l'évangile pour éviter la souffrance, mais il voit la souffrance pour Christ comme une grâce de Dieu. Vous vous souvenez dans les Actes des Apôtres, quand les chrétiens ont été attaqués, mis en prison, fouettés, maltraités, ils se sont réjouis d'avoir été trouvés dignes de souffrir pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils le voyaient comme une grâce de souffrir pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Souffrir parce que j'ai été arrogant, c'est pas ça dont on parle. Souffrir parce que je manque de respect pour les gens, c'est pas ça dont il parle. Souffrir parce que je suis malade, j'ai pogné le cancer, c'est pas ça dont il parle. Souffrir parce que je manque de tact et de courtoisie envers les non-croyants, c'est pas ça dont il parle. Mais souffrir par rapport à Christ. Par rapport à Christ. Souffrir pour lui, pour l'Évangile, pour garder fermement l'Évangile, pour ne pas se laisser effrayer au point de changer le contenu de l'Évangile. C'est la tendance, vous savez. C'est la tendance. C'est la tendance d'Église à travers les siècles. L'Église a eu tendance à vouloir s'ajuster. On a entendu parler. Il y a certaines choses. Qu'est-ce que l'Église a tendance à ajuster de nos jours? Hein? Pour en nommer quelques-uns, tout ce qui est par rapport au mariage, au divorce, au remariage, tout ce qui a rapport à la sexualité, l'homosexualité, ce qui a rapport au rôle de la femme dans l'Église, on a tendance à s'ajuster par rapport à ces choses-là, Mais aussi, on a tendance à s'ajuster surtout par rapport à la personne de Jésus-Christ. On a vu dans le siècle passé l'Église s'ajuster avec la création-évolution, avec le darwinisme. On a tendance à vouloir biaiser un peu la vérité pour éviter le rejet de la société. Paul a dit non. Malgré que Paul a dit, je me suis fait à tous afin d'amener l'Évangile, mais jamais changer l'Évangile. Toujours proclamer la même Évangile. Mais je peux m'ajuster. Je peux changer certaines façons de m'habiller, certaines façons de parler. Je peux changer bien des choses. Mais jamais l'Évangile. Présentement, je crois qu'on a changé l'Évangile au Québec. On a arrêté de proclamer la repentance, on a arrêté de proclamer de se convertir pour servir Dieu, pour devenir un serviteur ou une servante de Dieu, pour devenir un adorateur de Dieu. On proclame un évangile, cadeau, bonbon, reconnaître tes pécheurs, puis Dieu, Jésus va te pardonner, il est mort sur la croix pour toi, et il va te donner une vie avec un but dans la vie, il va t'emmener au ciel, mais tu meurs. On présente des choses positives pour essayer d'amener les gens à se convertir. Mais Paul les dit, non, non, non, non. Ayez une bonne conduite évangélique. Restez fermement attachés à l'Évangile. Ne vous laissez pas effrayer par les adversaires. Et regardez comme une grâce de souffrir pour Jésus. Donc, c'est bien loin de la conduite dont je pensais, conduite religieuse. C'est différent. C'est différent. Notre bon Père du ciel, merci de nous avoir décrit encore une fois ce matin. Qu'est-ce que tu t'attends de ton peuple? Ayez une bonne conduite, digne de l'Évangile en Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, de voir comme une grâce de combattre pour la foi et de souffrir pour la foi. Ô notre Dieu, toi qui es devenu pécheur pour nous, toi qui es devenu homme pour nous, toi qui as souffert pour nous, donne-nous de voir comme étant une grâce de souffrir pour toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.